De quelle manière le péché anéantit l'homme, de Georges de Brébeuf, et de la résistance que la grâce trouvait en lui. Viens, viens, me dites-vous, apaisez ma colère, change en respect tous tes mépris. J'ai toujours de l'amour, et je suis toujours père. Ne veux-tu plus être mon fils? Si tu n'aimes pas un père, au moins redoute un juge. Prends-toi même pitié de toi. Contre moi, quel moyen de trouver un refuge, si tu n'en cherches pas en moi? Mon cœur stupide et froid a des soins si propices, ne vous montre que ses dédains. Le mépris de vos lois fait tous mes délices, et ma perte toutes mes desseins. Du remords inspiré l'officiance atteinte fait sur moi peu d'impression. Je n'écoute pour vous ni l'amour ni la crainte, ni pour moi la compassion. Ainsi, honteusement, je vois couler mon âge dans les soins de la vanité, et je perds des moments dont le prudent usage me devoit une éternité. Au lieu de m'assurer une gloire immortelle qui ne peut jamais se tenir, je m'assure des maux dont la rigueur cruelle ne peut ni changer ni finir. Parlez-moi donc si haut qu'enfin je vous entende. Réveillez un cœur hébété, ou tenez s'il le faut, afin que j'appréhende le courroux d'un Dieu rebuté. Que je puisse vous aimer comme un Dieu tout aimable, qui m'a comblé de ses bienfaits, et vous craindre en tout temps comme un Dieu redoutable, qui peut me perdre pour jamais. Que mon esprit soumis ne goûte point d'amorce, qu'à se ranger sous votre loi, qu'à je me donne à vous, qu'ainsi je vous force à vous donner enfin à moi. C'est de mes vœux, enfin, le seul que j'entretienne. Lui seul va faire tous mes soins, et quelque autre succès qui me flatte ou m'avienne, je ne puis pas passer à moi. Pardonnez-moi, Seigneur, cette ardeur béante. C'est en feu que vous m'inspirez. C'est vous qui, dans mon cœur, avez mis cette attente, et vous qui la remplirez.